J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La Petite République française, dimanche 27 juillet 1884, la sorcière. À Privas, dans l'Ardèche, habitait une pauvre vieille femme. Elle avait plus de 80 ans, et quand elle passait par les rues, le chef branlant et s'appuyant sur son bâton, les gamins riaient d'elle et lui criaient après. Elle les menaçait de son impuissante béquille ou de son doigt décharné. Puis, tandis qu'elle s'éloignait, caïn caïn, clopin clopant, sa tête grise s'agitait d'un mouvement plus rapide. Ses gencives édentées marmottaient en patois quelques lambeaux de phrases sans suite, comme ont pour habitude de faire les vieux qui radotent. On l'appelait la sorcière. Voici qui débute, n'est-ce pas, tout comme un conte, presque comme un conte de fées. L'histoire que nous allons narrer est pourtant des plus authentiques, et vous l'avez pu voir la semaine dernière, sous forme de faits divers, dans la plupart des journaux. On appelait donc cette vieille mère la sorcière. Pourquoi ? Parce que peut-être elle avait le nez crochu et un menton de fée carabosse, parce qu'elle habitait seule un taudis, parce qu'on l'accusait de jeter des sorts aux gens et aux bêtes. Dire qu'il se rencontre encore des ignorants et des esprits faibles qui croient à de pareilles billevesées. L'un des plus proches voisins de la vieille et sa femme avait une foi robuste aux sorciers et aux sortilèges. Or la femme, qui allaitait son nourrisson, s'aperçoit un beau matin que son lait est tari. Elle s'en inquiète. Quelle cause a bien pu lui faire passer son lait ? Et pardi, c'est la sorcière. Pas besoin de chercher plus loin. Le mari, sans plus de façon, s'en va prendre la vieille en son taudis. La pauvre vieille qui ne sait ce qu'on lui veut, et l'amène chez lui. « Tu vas faire revenir le lait de ma femme. » Vous voyez la scène d'ici. Elle serait du plus haut comique si l'horreur ne venait aussitôt s'y mêler. « Tu vas faire revenir le lait de ma femme ou je te brûle les pieds. » La malheureuse proteste, se débat. Mais la brute se saisit d'elle, l'attache, la suspend par les aisselles sous le grand manteau de la vaste cheminée et allume sous ses pieds une brassée de bois sec. La flamme brille, se tord, monte, va lécher et brûler les pieds nus de la pauvre sorcière hurlante. On l'a tirée de là tellement éclopée, en si piteux état, qu'on a dû la transporter à l'hôpital. Quant à son bourreau, c'est à la prison qu'on l'a conduit. Les jurés de la cour d'assises lui apprendront, espérons-le, qu'en pleine France et en plein XIXe siècle, on ne croit plus aux sorciers. Et surtout, qu'on ne brûle plus personne, que la torture est abolie. Ce retardataire de plusieurs siècles semble ignorer, il doit ignorer tant de choses. C'est qu'en son jeune temps, voyez-vous, l'école n'était pas, comme aujourd'hui, ouverte à tous. Pour être logique avec lui-même, cet homme qui croit aux sorcières et les condamne au feu, il doit s'attendre à aller ramer sur les galères du roi, ou à être pendu haut et court à la branche d'un chêne, puisque c'était là le supplice réservé aux manants du temps que les moines en cagoule envoyaient les sorciers au bûcher. Il ira apprendre dans quelques maisons centrales qu'on ne pend plus, qu'on ne brûle plus, qu'on ne rame plus sur les galères et que sorciers et sorcières n'existent plus de nos jours. Les nègres du Congo, eux aussi, croient aux sorciers. Ils n'ont même pas d'autres médecins. Mais nous sommes un peu plus qu'eux avancés en civilisation. Laissons-leur donc les croyances ridicules, laissons-leur tous les manitous dont nous autres n'avons que faire. Secouons bien vite ce qui peut encore rester attaché à notre siècle des superstitions du passé. Sinon les Chinois, ce peuple de lettrés, n'auraient pas tout à fait tort de nous traiter de barbares.